Argenteuil, ma ville, 95, mon département, mon territoire, l'Île-de-France, mon pays, le Sénégal, affecté dans la livraison, la France de l'oubli. Vision réelle de mon domaine, où l'aile m'envahit, sentiment d'excellence pour mon esprit. Un combat permanent qui tient la lutte du moment. Trop de ces jeunes inconscients pensent aborder la vie sans souci. Aucune connaissance de la brutalité de ce monde. Trop souvent le racisme pèse et l'exclusion constante augmentation. Personne n'est à l'abri d'un conquérant violent. Chaque minute un frère est exploité. Constat d'une jeunesse dévouée douée. Ils ont prémédité notre extinction sans retenue. Tendu, on n'a plus rien à attendre. Au moins on a évité de se faire pendre. Nouvelle tendance, et c'est vraiment ma pensée. Offensé de voir que 20 ans après avoir construit ce pays, toujours décrit comme l'ennemi, montré du doigt par chaque habitant, cause de ma différence. La France de l'oubli, rigueur au fascisme, et ça flippe pas son terrorisme vandalisme, commandité par des personnes haut placées. Pas de phénomène, et se faire reniquer cette putain de réalité. France de l'oubli, rigueur au fascisme, et ça flippe pas son terrorisme vandalisme, commandité par des personnes haut placées. Pas de phénomène, et se faire reniquer cette putain de réalité. Trop coloré, fier de mes origines, loin de mon pays natal, je raconte la vie banale de mon département, où l'honnêteté est en baisse et la violence en première ligne. Les drogues font leur apparition dans nos quartiers, la coke pour les gens et c'est le shit pour la classe moyenne. Elle craque pour les défavorisés. Sa crise se porte du scandale et ses sans-abri tristes dans ses rues. Cause de la France de l'oubli, quittée par leurs intérêts, gardés au plus haut leur économie, sans sauver des vies. Agissant pour notre liberté d'expression, sans pour la sommation. Ils ne savent que pratiquer la sanction, sans user de munitions. Réalité sortie qui augmente ma férocité. Mais je reste sage avant le saccage et la destruction de mon entourage. Et mon script sera sous scellé, scellé. La France de l'oubli, rigueur au fascisme, et ça flippe pas son terrorisme vandalisme, commandité par des personnes haut placées. Pas de phénomène, et se faire reniquer cette putain de réalité. France de l'oubli, rigueur au fascisme, et ça flippe pas son terrorisme vandalisme, commandité par des personnes haut placées. Pas de phénomène, et se faire reniquer cette putain de réalité. Au-delà de qu'on ne veut pas entendre, la vérité fait mal, et celui qui l'a dit subit. Triste morale qui sévit en permanence, écarte toute notre existence. Ce système est la cause de tous nos problèmes, sans aucune réflexion, toujours prêt face à la répression. C'est ce qui nous pousse à changer de chemin. Depuis des siècles on est à l'affiche. Tout est fait pour nous stopper. Pas de bourse pour les immigrés. Plus qu'un temps des manifestations. Des millions de jeunes dans les rues à ce qu'on déstoppe la violence. Esprit soudé et ça finit en tragique violence. Une centaine de CRS au carrefour pour souhaiter la bienvenue. Une de leurs tactiques favorites, plus face à la justice. Les chiens qui ont les clés de la liberté, trop souvent déportés. Ton destin est vite fait scellé. 1000 jours passent enfermés dans ton palace. À l'abri des regards, on fait 15 minutes de liberté. Personne au parloir pour affirmer ta gloire. La spirale nous a pris comme amis, mais dans le côté de l'ennemi. Les frères aidez-nous à leur faire entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. Nous sommes de notre âne pour y arriver, mais qu'ils entendent 95 RG. La France de l'oubli, rigueur au fascisme, et ça flippe pas son terrorisme vandalisme, commandité par des personnes haut placées. Pas de phénomène, et se faire reniquer cette putain de réalité. France de l'oubli, rigueur au fascisme, et ça flippe pas son terrorisme vandalisme, commandité par des personnes haut placées. Pas de phénomène, et se faire reniquer cette putain de réalité. Cent années d'esclavage sont ancrées dans nos mémoires. Nos ancêtres tombés pour la France de la chair à canon. Hommage à ces tirailleurs du Sénégal.